je fais tout seul mon genre. J'ai besoin de personne pour gérer ma vie. J'ai fait le tour des faux culs, des traites, la rabat, je fais le tour de la ville. J'ai toujours pensé au mien avant de penser au lendemain. On m'a dit je n'y va tout droit et personne connaît ton chemin. Je vais pas te faire de chez moi. Au quartier je suis chez moi. Y'en a que je vois en chelou, mais y'en a que je fais pas chez là. T'es bon à rien, à part nous retarder. J'ai fait du bien, ils ont pas voulu regarder. Ça y est, je m'arrête plus de ma île. Ça ira, pour l'instant je remplis le cendrier. Ma île, je m'arrête plus de ma île. Ça ira, pour l'instant je remplis le cendrier. Ça y est, je m'arrête plus de ma île. Changer de décor mais toujours rester vrai. Toi tu cherches les problèmes, après tu veux la paix. J'ai pas regardé ces formes, à la t'es mal coupé. Là y'a de la demande, faut que je sois au taquet. Je regarde le fond de ma tête, j'ai dépensé ma cape. Vas-y rentre pas dans ma tête, pose tes couilles sur la table. Quand t'es pas bien tu m'appelles, quand t'es bien tu t'écartes. J'ai la haine au réveil, et ça depuis longtemps. Depuis petit je veux faire de l'oseille, je vais bientôt me casser. La street c'est devenu mauvais tel, les condés font que de passer. Depuis petit je veux faire de l'oseille, bientôt me casser. Ça parle au présent, c'est chaud, ça oublie de passer.